tu. Ma vie est animée par le son, je n'ai pas lâché mon rap. Comme une leçon, je l'attaque et je suis cool dans mes schlaps. Annonce à ces rappeurs falches, tous ces falsificateurs. C'est faux qu'on chasse ou qu'on wash façon boxeur. On resserre les rangs, soldat troisième assaut. Serre les dents, montre les crocs, en attitude lac pro. De B.A.L. Carré, tu connais pas. T'as déjà Kéko un morceau, t'as obliqué au foie. Des haltères, et je danse mon boogie boogie favori. Bastos, et plus de vie, aussi vite. Sans briefing, car dans l'arène y'a trop de choses imprévisibles. Faut toujours savoir pourquoi on lutte. Faut pas se perdre ou s'enfoncer profondément dans une longue chute. J'y kill, j'y chut, laisse tant que ça tue. Tu t'y attends pas, tu es perdu. Entre l'ombre et la clarté, on bute à répétition. On poursuit la progression. Ma plume refuse le dressage. Le pal c'est un cocktail d'un docteur et d'un page. Le pitbull givré et le bandit de la rime. Son gimmick c'est G-Kill, yeah G-Kill. D'où vient point à qui sait utiliser son temps. Profitons de la vie avant l'heure du dernier jugement. Mon hip-hop tue, brut et cru. Marta méthodop, tu l'as goûté, tu l'as eu. Mon hip-hop tue, vu. Mon hip-hop tue, la vérité colle à mon vécu. Mon hip-hop tue, brut et cru. Marta méthodop, tu l'as goûté, tu l'as eu. Mon hip-hop tue, vu. Mon hip-hop tue, la vérité colle à mon vécu. Le déo s'agit, ma plume refuse le dressage. Mauvais choix, j'ai pris du poids, faut que je décharge. À mon auditoire, je donne pas d'âge. Entre échec et réussite, j'aspire à devenir sage. Un petit atout, trois feuilles et je ratisse large. Voilà pourquoi le cisailleur tient toujours le coup. Page, page après page, j'exprime mon inspiration. Ah, je déprime, j'imprime sans ponctuation. De B.A.L. Carré, tu connais pas. T'as déjà Kéko un morceau, t'as obliqué au foie. Devant le fait accompli, tes yeux s'illuminent. Des hauts et des nourris même en temps de famine. Ce n'est pas une mode, plus qu'un job, une passion. Les qualités d'un sprinter et d'un coureur de fond. Ma vie animée par le son, je n'ai pas lâché mon rap. Comme une leçon, j'attaque et je suis cool dans mes schlaps. Cool face à la menace, cool et toujours efficace. Si tu prends confiance, diminue ton enthousiasme. Hip-hop panafricain, non-stop comme les ricains. Je smoke Irie comme un jamaïcain. Je survis pratiquement maître de mon destin. C'est vrai que ce monde est pourri, pourtant je m'y sens bien. D'où vient ta pointe qui sait utiliser son temps. Profitons de la vie avant l'heure du dernier jugement. Hip-hop tu, brut et cru. Marta méthodop, tu l'as goûté, tu l'as eu. Mon hip-hop tu, vu. Mon hip-hop tu, la vérité colle à mon vécu. Mon hip-hop tu, brut et cru. Marta méthodop, tu l'as goûté, tu l'as eu. Mon hip-hop tu, vu. Mon hip-hop tu, la vérité colle à mon vécu. Hip-hop tu, deux balles, c'est du hip-hop cru. Tu sais, notre hip-hop tu, l'underground colle à notre vécu. Notre hip-hop tu et ton hip-hop pu. De B.A.L. c'est D.O.C. J.K.I.L.L. L'underground call à notre vécu. Notre hip-hop tu.